La mort de qui? Votre mort. La mort à la mienne? Vous m'avez vu devant ma mort à moi? Une insulte. Mon livre. Moi, je mourrai quand je voudrai. Pas mal. Ça être libre. Parler de liberté. Hein? Hein? Quand tu mets là une brique dans la tête, parler de liberté. Mais je crève, moi, je crèverai pas d'avoir rien. Quand je transmettrai mon corps, parce que j'aurais fini ma job, ça allait être terre. C'est pas mon avis. D'ailleurs. Mais là, pareil. Pas tout seul. Mais, c'est dans la nouvelle psychologie, ça. Oui, oui. Une question d'actualité, une question de curiosité. Pas pareil. Maturité psychologique, c'est compliqué. La maturité psychologique de l'homme, c'est la fusion entre son ego et l'âme. Ça, c'est la maturité psychologique. L'autre, c'est une forme de maturité philosophique. Ce qui vous sauve, vous, c'est l'intuition et l'intelligence. C'est important, les mots. Quand vous parlez, quand vous avez des mots, les mots. Le mot juste. La vibration dans le mot juste. La vibration, elle forme le mot juste. Sans ça, le mot qu'on emploie est lancé dans l'espace. Pas que ce soit lancé dans l'espace. Il faut que le mot soit formé par la vibration. Là, c'est un mot juste. On est très proche de quoi? De la mort. De la mort. Tant qu'on est inconscient, on est proche de la mort. Inconscient. Ouais. C'est ça. C'est pas normal, l'homme de mourir. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. L'homme meurt parce qu'il est prêt. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. Quand il est prêt, c'est pas lui qui détermine ça. C'est ça. Quand tu vois le chef de pêche en être plein, pour rentrer dans les nappes. Je pense que j'en ai essayé de la plénitude, mais c'est très bien. La plénitude? Qu'est-ce que c'est ça? Je parle pas de la plénitude de l'âme. La plénitude totale, c'est quoi ça? C'est quoi ça le tout? C'est quoi ça le tout? C'est la connaissance. C'est quoi ça la connaissance? L'entendement, la sagesse. La réalisation. Bravo, bravo. Ben oui. C'est l'éclatement de votre être sur tous les plans. C'est la connaissance. C'est ça. Faut dire la connaissance, c'est une vision. C'est la perfection. Ah, toujours patente. La perfection. C'est quoi la perfection? C'est l'unité. C'est quoi la perfection? La perfection, c'est l'unité. La perfection, c'est l'unité. C'est une forme d'unité. Ah, une forme d'unité. Elle est comique, hein? J'aime beaucoup votre vêtement. J'aime beaucoup votre vêtement. J'aime beaucoup votre vêtement. Intellectuellement, j'aime beaucoup votre vêtement. Fatiguez-vous pas de même? J'aime pas que tu veux dire. Oh, si. Provoquez. Aimez ça, mais provoquez. J'aime beaucoup votre vêtement. Je ne suis pas perdu, je vais pas je marche arrière, je vais en bougeant, je vais dans la main, je vais le faire, à droite, à gauche. Non, moi j'en suis. C'est le début compliqué.

continuer finalement. Quand vous êtes mêlé, là, est-ce que vous pensez à ce que vous avez à penser? Là, je pense pas à penser. T'agis. Ah, t'es pas mêlé dans ce temps-là. Quand tu penses pas que t'agis, t'es pas mêlé. Ouais. Mais quand t'es mêlé, c'est parce que tu penses à ce que tu devais penser. À ce que tu avais à penser. Et aussitôt, là, qu'il se passe une vibration, tu t'en vas sur une vibration, là, tu fais une action. À ce moment-là, tu penses pas. T'agis, là, tu t'aperçois du résultat. Ouais. C'est ça, tu vois, quand vous avez des problèmes, ne pensez pas à vos problèmes, bien, vous n'allez jamais les résoudre. La meilleure façon pour résoudre les problèmes, c'est de penser. Attends, l'énergie passe, puis qu'elle donne la réponse. Et c'est pas ça que vous faites, là. Oui, pensez, vous formez de l'égrégore, vous faites des tensions, vous faites de l'anxiété, puis éventuellement, vous vous déprimez. Tu ne résous pas un problème en y pensant. Tu résous un problème en attendant que tu résoudes tout seul. Mais là, en ancienne psychologie, vous faites le contraire. Vous essayez de résoudre vos problèmes en y pensant. Vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes parce que si vous pensez que vous allez résoudre, vous allez créer un autre. Fait que les gens font ça toute leur vie. Ils résoudent un problème, tout d'un coup, il y en a un autre qui sort de celui-là, puis ils résoudent, puis il y en a un autre qui sort de celui-là, puis ça va de même en chaîne. Fait que vous avez des problèmes toute votre vie. À un certain moment, il faut que tu n'aies plus de problèmes. Il n'y a qu'une façon de résoudre des problèmes, c'est de ne pas penser aux problèmes. Là, tu attends que les vibrations calment. Là, la vibration, quand elle vient, elle te donne la solution au problème. Tu t'en vas sur la bonne action, puis ton problème, il se résout. Parce que tu peux penser à un problème pendant 2-3 semaines. Les autres, ils savent si tu ne vas pas résoudre ton problème avant 2 mois. Je te donne un exemple. Un gars qui a une maison, il veut vendre sa maison. Il a besoin de cash, tout de suite. Mais c'est garanti que si vous avez besoin d'argent, vous avez une maison à vendre, elle va être longue à vendre en maudit. Tout d'un coup, il y a un jour qui va arriver, il y a quelqu'un qui va vous envoyer de l'argent, vous allez avoir le cash, votre maison va se vendre le lendemain. Elle ne sert plus. Mais là, vous êtes cassé la tête pendant des mois, quand est-ce qu'elle va se vendre la maudite maison, vous appelez au real estate. Le gars, il dit, hey, personne, les affaires sont là, blablabla, tu penses à ça. Déprime. Regardez les événements dans votre vie, les événements clés dans votre vie. Ils arrivent toujours quand vous n'en apercevez pas. Quand vous avez des jobs, ça vient tout d'un coup de même, puis ça vient 3-4 fois comme des grappes de raisin. C'est même que ça marche, mais on ne comprend pas les lois. C'est ça qu'il vaut mieux vivre le jour, au jour le jour. Ben, c'est une tentative fructueuse. Éventuellement, vous en arrivez à aller plus loin que de vivre le jour le jour, vous en arrivez à vivre consciemment. T'attends. Quand vous êtes en contact, c'est plus facile dans un sens, mais ça risque du pas de problème. Parce qu'ils vont te dire, ta maison va te vendre dans 3 semaines, puis elle ne se vendra pas avant 3 semaines. Faut que tu attends. Mais au moins, tu sais qu'elle va se vendre dans 3 semaines, fait que déjà, tu peux relaxer un petit peu. Mais quand tu n'as pas ça, cette affaire-là, là, tu te manges les doigts, puis attends qu'elle se vende, puis ça marche pas. C'est toujours de même. C'est pour ça que je dis, c'est des chiens. Moi, je suis peut-être le premier homme sans terre qui a commencé à les appeler des chiens. Parce que je fais partie de la psychologie. Avant, on les appelait les anges, les archanges, les minots, et tout. Ouais, ouais, ouais.